Je viens ici simplement pour vous souhaiter la bienvenue chez nous au château de Versailles et pour remercier tous les organisateurs, en particulier ceux de l'Université de Tours, ceux de l'Université de Liège, et qui se sont unis avec le Centre de recherche du château de Versailles pour organiser ce colloque sur le clergé de cour en Europe de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle. Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir cette dimension religieuse si importante dans la société de cour, de voir que la place de tous ces ecclésiastiques qui étaient un groupe important, de voir que on va s'intéresser à leur véritable influence et non pas s'en tenir à simplement étudier quelle était la composition de la maison ecclésiastique. J'ai toujours au centre de recherche plaidé pour que cette dimension soit étudiée. Et je vois donc aujourd'hui que ces souhaits ont été entendus et que ce colloque fait suite à un colloque qui a été fait à Liège, mais il est important qu'il se tienne à Versailles. Il y a un côté symbolique de la chose. Pour ma part, je saisirai l'occasion pour vous dire que dans les fonctions qui sont les miennes actuellement, qui sont beaucoup plus concrètes, qui sont des fonctions d'ordre patrimonial ou culturel, je m'attache aussi à ce que cette dimension reprenne la place qu'elle doit avoir. Et en particulier dans l'organisation des expositions, car je saisis cette l'occasion pour vous dire que très prochainement, nous allons ouvrir le 16 avril une exposition sur les trésors du Saint-Sépulcre, trésors de la custodie de Terre Sainte, et qui nous permettra de montrer tous les présents que les rois de Louis XIII et Louis XIV ont offerts à la custodie de Terre Sainte pour l'accueil des pèlerins et le service divin. Et dans cette exposition, ce seront toutes les cours d'Europe qui seront aussi évoqué, puisqu'il y aura les trésors offerts par la cour de Vienne, par les cours d'Espagne ou les cours de Naples. Ce sera l'occasion là de voir des ornements liturgiques et des vases sacrés qui nous font terriblement défaut à la chapelle de Versailles. La deuxième dimension d'ordre patrimonial, je m'attache aujourd'hui à la restauration de la sacristie et de toutes ses annexes qui ont été assez négligées tous ces derniers temps, en attendant la restauration de la chapelle de Versailles, dont la toiture est malheureusement en très mauvais état, ainsi que les sculptures extérieures et le pavement. Vous allez avoir une visite avec Alexandre Maral. Alexandre Maral, dont je salue d'ailleurs les travaux sur la chapelle de Versailles et son dernier ouvrage magistral « Dieu et le roi ». Et il vous parlera certainement de ce tout de même chef-d'œuvre en péril, mais qui nous demandera de gros efforts de restauration, mais nous ne manquerons pas de l'avoir. Et nous savons que c'est une de nos préoccupations pour 2014 ou 2015 d'entreprendre la restauration de ce grand vaisseau. Et en dernier lieu, ce qui m'amène aussi à travailler dans cette direction, c'est la préparation de l'exposition pour 2015 sur la mort du roi. Vous savez peut-être qu'il y a eu un programme de recherche durant 3 ans mené par Gérard Sabatier au centre de recherche sur les funérailles royales en France et en Europe. Et c'est la base de notre travail scientifique pour préparer cette exposition, ce qui sera la grande exposition de 2015. Vous voyez donc que cette dimension religieuse se réimplante au château de Versailles, et j'en suis très heureuse. Et c'est pour cela que ce colloque sur les clergés de cour, ce qui s'inscrit et qui nous permet aussi d'avoir un langage et beaucoup plus fondé scientifiquement, je me réjouis de cette initiative. Alors, je remercierai en particulier Monsieur Benoît Pierre, qui est professeur à l'Université de Tours, dont les sujets d'études tournent autour du clergé et de la politique. Sa spécialité, ce sont les ordres religieux depuis le 15e ou peut-être plus haut encore jusqu'au 18e siècle. Il a travaillé justement à l'élaboration de ce programme avec le concours d'un comité de patronage scientifique dont je vois les noms les plus prestigieux entrant dans sa composition. Sans attendre, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse introduire ce colloque qui est ambitieux par son objet même, car saisir les liens entre la politique et ce corps ecclésiastique, c'est quelque chose de très subtil, et aussi ambitieux par son champ géographique, puisque j'ai vu dans le programme que vous alliez jusqu'à la Russie tsariste et même à la cour du sultan.